The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To be totally mistaken. Se mettre le doigt dans l'œil. Democrat. Démocrate. Right wing. La droite. Completely different. Diamétralement opposé. Illegal immigrant. Le clandestin. Helping hand. Le coup de pouce. Tax regime. La fiscalité. Republican. Le républicain. To reflate the economy. Relancer l'économie. To make no sense. N'avoir ni queue ni tête. Unearned income. Le revenu du capital. Now, a bit faster. Helping hand. Le coup de pouce. Republican. Le républicain. Helping hand. Le coup de pouce. To reflate the economy. Relancer l'économie. Democrat. Démocrate. Tax regime. La fiscalité. Illegal immigrant. Le clandestin. To reflate the economy. Relancer l'économie. To be totally mistaken. Se mettre le doigt dans l'œil. To reflate the economy. Relancer l'économie. To be totally mistaken. Se mettre le doigt dans l'œil. Right wing. La droite. Helping hand. Le coup de pouce. Illegal immigrant. Le clandestin. Republican. Le républicain. Helping hand. Le coup de pouce. To reflate the economy. Relancer l'économie. Illegal immigrant. Le clandestin. Tax regime. La fiscalité. Helping hand. Le coup de pouce. Tax regime. La fiscalité. Now, use the words in context. Se mettre le doigt dans l'œil. If he thinks he can seduce her that easily, then he has another thing coming. S'il croit pouvoir la séduire si facilement, il se met le doigt dans l'œil. Le clandestin. The government plans to deport at least 25,000 illegal immigrants by the end of the year. Le gouvernement compte expulser au moins 25 000 clandestins d'ici la fin de l'année. Le coup de pouce. The bank did not agree to give them some help to get started paying back their debts. La banque n'a pas accepté de leur donner un coup de pouce pour rembourser leurs dettes. N'avoir ni queue ni tête. His article makes no sense, will never be public. Son article n'a ni queue ni tête. Il ne sera jamais publié. Se mettre le doigt dans l'œil. If he thinks he can seduce her that easily, then he has another thing coming. S'il croit pouvoir la séduire si facilement, il se met le doigt dans l'œil. Le clandestin. The government plans to deport at least 25,000 illegal immigrants by the end of the year. Le gouvernement compte expulser au moins 25 000 clandestins d'ici la fin de l'année. Le coup de pouce. The bank did not agree to give them some help to get started paying back their debts. La banque n'a pas accepté de leur donner un coup de pouce pour rembourser leurs dettes.